Portrait, une émission de Mike Lécuyer qui vous propose en quelques titres de retracer le parcours de musiciens qui ont marqué l'histoire du blues et du rock. Portrait. Chris Rea, auteur-compositeur-interprète et guitariste britannique, naît le 4 mars 1951 à Middlesbrough. Il s'éteint le 22 décembre 2025 à Londres, à l'âge de 74 ans. Deuxième partie. It's the face of an angel and the soul of the devil may care. I'd love to know what goes on in there. She needs your love, she needs it every day. But speak of love, see her laugh and run away. Which way will you go? Julia, I wanna know. Julia, only the moon and stars. Julia, know just where you après les immenses succès de The Road to Hell, Auberge et God's Great Banana Skin, au début des années 1990, l'artiste amorce un tournant plus introspectif. Les albums qui suivent, The Crossing, Espresso Logic, Blue Café et King of the Beach, qui ouvrent le 21e siècle, se révèlent plus sombres, plus personnels et s'éloignent des formes calibrées pour la radio. Diagnostiqué d'un cancer du pancréas en 1994, il traverse une longue période d'épreuves médicales. Multipliant opérations, chimiothérapie et traitements lourds, il perd 15 kilos, mais refuse de cesser de créer. En 2002, paraît le double album Dancing Down the Stony Road, accompagné d'un DVD retraçant les séances d'enregistrement en Angleterre et en France, ainsi qu'un concert donné à Montreux en Suisse. En 2003, soucieux de préserver sa liberté artistique, il fonde son propre label Jazzy Blue. Il y publie les albums instrumentaux Hofner Blue Note et Blue Street Five Guitars. L'année suivante, il poursuit dans une veine blue jazz avec The Blue Jukebox. Sitting talking on a corner, yeah, I see him every day. So many words, so many reasons about the ship that sailed away. Was it something to do with business? Was it love that done him wrong? Always somebody else to blame, it seems, but a half chance been gone. But oh hey, the beat goes on. I say oh hey, the beat goes on. The beat goes on. See him drinking in the corners, be amazed at what they say. They all got their tears and stories about the big one that got away. Yeah, there's always so many reasons why they missed that place that day. The tales of woe and treason about the ship that sailed away. En 2005, Chris Rea concrétise le projet le plus ambitieux de sa carrière, Blue Guitars. Ce coffret monumental de 11 CD, entièrement composé et enregistré par lui, explore méthodiquement les racines du blues. Du Delta au Chicago Blues, du Rhythm and Blues au Blues Rock, jusqu'aux sonorités latines et louisianaises. Looking for the boss man, maybe give some work to me. Yeah, I'm looking for the boss man, maybe give some work to me. Ooh. Trouble is, I keep finding they want you work for free. Keep on walking. I'm walking country blue. Well, I got two strong arms, mister, they won't let you down. Yeah, I got two strong arms, mister, they won't let you down. Boss man say, ain't no work around. Gotta keep on walking, keep on walking, and country blue. To do. Oh, yeah. Got to keep on walking. Keep on walking, country blue. Yeah. Keep on walking. Mais Blue Guitar dépasse le simple cadre musical. Peintre depuis de nombreuses années, l'artiste réalise lui-même toutes les œuvres picturales qui accompagnent le projet. Chris Rea. Je peignais ces images depuis des années. Blue Guitars m'a permis de réunir enfin la peinture et la musique. Stop now, ain't never gonna give up. route solitaire, passage nocturne, voiture, bar, ville industrielle, l'étoile prolonge l'atmosphère des chansons. Pensée comme une œuvre totale, intime et cohérente, Blue Guitars s'impose comme un véritable manifeste artistique. Le cœur battant de sa discographie, loin des contraintes commerciales. She gonna meet me Saturday night. Yeah. Oh, I'm getting so excited. Can't sleep at night. I got to try keep my cool. I gotta hold on tight, 'cause my baby told me. Well, my baby told me. Écoutez Portrait, une émission de Mike Lécuyer. Mais ce projet pharaonique n'est pas sans conséquences. Entre 2006 et 2016, il subit plus de 30 opérations. Well, I'm rolling down a highway, smile upon my face. All the things that hurt me disappear without a trace. Only me on the inside, and a big wide open sky. I'm always happy at the wheel. I see it all go drifting by. 10,000 sorrows, 10 million tears. All part of the making, how you got to be here. Relax, listen to her engine. Leave your troubles for a while. Dream your darkest secret, the one that always makes you smile. I'm happy on the road. Yeah, I'm happy on the road. Sometimes you're standing still, let your troubles do the same. Let the pressure fall away, let it go and start again. There's only me on the inside, and a big wide open sky. I'm always happy at the wheel, see it all go drifting by. I'm happy on the road. Yeah. I'm happy on the road. Yeah, yeah. I'm happy. Jusqu'à la fin, Chris Rea demeure actif. La voix s'est faite plus rauque, plus grave, mais l'inspiration reste intacte. Ses trois derniers albums, The Santo Spirito Blues, en 2011, CD et DVD, consacré à la ville de Florence et à la tauromachie, Road Songs for Lovers, en 2017, et One Fine Day, en 2019, confirme son attachement à un blues sincère, enraciné, à l'égard des modes et des artifices. She's standing by the water side. She's waiting for her man. On the evening when she hears her whistle blow. It's coming from the factory. She hears it every day. The soft cheeks flush, he's on his way. They're going where the sun is shining. They're going for that silver lining. They're gonna work and make it pay. And she said, spread those wings, fly away. Now I don't like no cold wind and rain. Gonna sail away one fine day. That's what they say. Boy, it gets hard to feel that way. When he sees his little darling hide a tear with a smile. He say, come here, baby, now don't you cry. We're going where that sun is shining. We're going for that silver lining. We're gonna work and make it pay. And she said, well, one fine day. Spread those wings, fly away. Il résumait lui-même son parcours avec simplicité. Je n'ai jamais voulu être autre chose qu'un musicien de blues. Le succès est venu plus tard, presque par accident. poison you can think of. And I'm underneath the streetlight, but the light of joy I know scared beyond belief, way down in the shadows. And the perverted fear of violence chokes the smile on every face. Out the bell. This ain't no technological breakdown. Oh no, this is the road to hell. Plus de 40 ans de carrière et 30 millions de disques vendus, Chris Rea laisse une œuvre abondante, cohérente et d'une grande fidélité artistique, avec toujours le blues comme fil conducteur. Lui que l'on associait aux grands espaces et aux routes infinies, celui qui chantait la route de l'enfer, a entrepris son ultime voyage le 22 décembre 2025. Pour nous, la route continue avec sa musique. C'était l'émission Portrait. Bonsoir.